Bonjour mesdames, messieurs auditeurs de la radio Isanganiro et bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les grands titres. Les députés ont soulevé leurs inquiétudes par rapport à la disponibilité du fonds pour construire les nouveaux bureaux des communes et zones récemment délimitées par le nouveau projet de loi adopté ce vendredi. Et en province de Bururi, les habitants proches de Jijimurimgi où la société Orascom construit le barrage hydroélectrique déplorent les dégâts causés par les eaux pluvieuses qui coulent dans des caniveaux tracés. Enfin, en province Gitega, les berges des rivières traversant cette province seront couvertes par plus de 60 000 plants de bambou pour leur protection. Voilà pour l'essentiel. Vestine Boutouille, je suis à la présentation à la cabine technique et vous êtes avec Albert Ndouaïo. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. Des députés s'inquiétaient de l'indisponibilité du budget pour la construction des bureaux pour les nouvelles communes et zones. C'était lors de l'adoption du projet de loi portant délimitation territoriale par l'Assemblée nationale ce jeudi. Selon Martin Iteletse, ministre en charge de l'Intérieur, tout dépendra de la volonté de leurs ressortissants avec le soutien du gouvernement. Les détails avec Jean Todieu Irakoze. Ce projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale ce jeudi, préconise de nouvelles zones et communes. Certains députés demandent si le budget destiné à la construction de leurs bureaux sera fixé dans la loi budgétaire de l'exercice prochain, comme le précise le député Guikeke Pascal. Il y a de nouvelles communes qui vont être instituées. Par exemple, la commune Mugere, dont le chef-lieu sera basé en nouvelle zone Ruziba. Je voudrais demander s'il est prévu la construction des bureaux dans la loi budgétaire de l'exercice prochain. En outre, d'autres députés proposent de mesurer dans les meilleurs délais l'impact budgétaire qui sera entraîné par la mise en application de cette loi. Le député parfait s'appuie sur le transfert des missions assignées aux communes vers les zones. Je propose qu'on mesure dans les meilleurs délais l'impact budgétaire de cette loi parce qu'il est prévisible que le transfert des missions assignées aux communes vers les zones, de même que l'augmentation des zones, occasionneront un impact budgétaire. Pour le ministre en charge de l'Intérieur, Martin Iteletse, le budget proviendra des ressortissants de ces zones et communes, moyennant l'appui de l'exécutif Bondé. Concernant la prévision de l'impact budgétaire dû à cette réforme, les grandes tâches qui allaient poser problème, comme la digitalisation, sont en cours, ajoute-t-il. Le budget dépendra de la volonté des citoyens. Les cadres vont commencer à se concerter et le gouvernement va apporter son soutien. Nous avons presque terminé avec l'impact budgétaire car en grande partie, il s'agit de la digitalisation et de l'électrification. Nous avons déjà commencé avec l'électrification des communes qui n'en disposaient pas. Nous sommes en train de fournir des efforts pour faire de même pour les chefs-lieux des zones. Comme l'indique son ministre, les nouvelles zones sont fixées à 51 qui s'ajoutent sur les 399. Merci Jean Dodieu. Il a causé des activités réalisables pour le développement du secteur agricole au Burundi. Le choix des programmes à suivre pour résister contre les changements climatiques sont des points discutés ce vendredi entre les partenaires au développement agricole et des cadres du ministère de l'Agriculture. Sanctus Niragui, la ministre en charge de l'Agriculture, dit que la rencontre a été bénéfique. Suivez-le. C'est un cadre qui n'est pas vraiment nouveau. Seulement, il y a été une suspension dans les dernières années et nous voulons redynamiser ce cadre. C'est le GSAD, c'est le groupe sectoriel pour l'agriculture et le développement rural et durable. C'est un cadre qui existait même auparavant et que nous voulons redynamiser, chose qui a été faite dès aujourd'hui. On essaie d'échanger sur les priorités du gouvernement, du ministère. On essaie de discuter sur les problématiques qui sont observées dans le secteur pour pouvoir dégager des pistes de solutions, mais aussi pour pouvoir analyser ensemble avec le personnel du ministère, mais aussi entre les partenaires entre eux, pour pouvoir trouver une solution durable, une solution tangible au développement du secteur agricole ici au Burundi. venons de vivre une période de pénurie de pluie. Au moment où nous sommes aujourd'hui, on devrait être à l'approche des récoltes pour la saison A, ce qui n'a pas été le cas. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, peut-être même ici dans la réunion que nous venons de tenir ici avec nos partenaires au développement, nous avons essayé d'analyser ensemble, de discuter des pistes, des voies de solutions qui peuvent être empruntées et pour voir comment juguler avec ces flambées de prix. Et plus de 60 000 plants de bambou seront bientôt plantés sous les berges et des rivières qui traversent la province Gitega dans le but de les protéger. Assurance du chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement OBP à Gitega, Jean-Marie Hatungimana déplore néanmoins la persistance des gens qui arrachent ces plants. Le cas typique est de la colline Korane de la commune Gieta, où l'an dernier, plus de 70% des plants de bambou ont été arrachés, fait refuter par le chef de cette colline, Gérard Nivigira. Plus de 65 000 plants de bambou sont prévus pour être plantés sur les berges de certaines rivières qui traversent la province de Gitega, tel que l'indique Jean-Marie Hatungimana, chef d'antenne provinciale de l'Office burundais pour la protection de l'environnement OBP à Gitega. Toutefois, il déplore le fait que ces plants de bambou sont souvent arrachés par certaines gens, comme à la colline Korane de la commune Gieta, où plus de 70% de plants de bambou plantés l'année dernière ont été arrachés par la population. Et nous avons mené des investigations. Nous avons constaté que sur la partie de la colline Korane, sur la rivière Vironza, sur les plants de bambou qui ont été plantés, 80% des plants ont été presque arrachés. Ce sont les cultivateurs qui arrachent ces bambous, alors que ces bambous sont en train de réduire les superficies cultivables. C'est un regret parce que avoir le coût que prennent ces plants de bambou, il ne fallait pas les arracher comme ça. Il devait d'abord les protéger, surtout qu'ils ont une grande importance dans la protection des berges de ces rivières. En commun accord avec l'administration communale, nous devrions mener encore des réunions de sensibilisation. Cependant, le chef de colline Korane, Ndaboro Heyejan, n'est pas d'accord avec ses propos. Plutôt, il explique le fait qu'il y a des plants de bambou qui ne poussent pas en disant que c'est parce que ces bambous, une fois enlevés des pépinières, passent beaucoup de temps avant d'être repiqués. Ainsi, poursuit-il, leurs racines s'assèchent et quand la population les plante, ils ne poussent pas car leurs racines se sont asséchées. Cela étant, environ la moitié de 5400 plants de bambou plantés l'année dernière sur les berges de la rivière Ruvironza, au niveau des collines Korane et Nyamugari de la commune Gieta, ont été arrachés par la population, précise Jean-Marie Hatungimana. Depuis Gitega, Jean Nivigira pour la radio Isanganiro. Merci. Jean Nivigira, et plus de 76 hectares de champs de bananeraies, maïs, haricots, patates douces et autres cultures ont été endommagés par une pluie torrentielle tombée le soir de ce vendredi. C'était sur la colline Rusaka et Chana, commune Rusaka de la province Mwaro. L'administrateur communal Karine Kaneza demande au gouvernement et aux bienfaiteurs d'assister les familles victimes de cette intempérie et les eaux des pluies en provenance des caniveaux tracés par la société Orascom menacent les habitants de la colline Mureka. C'est sur la sous-colline Nyakigo en commune Songa de la province Bururi. Ces derniers réclament la reconstruction et leur canalisation, mais aussi l'indemnisation pour leurs biens endommagés. Les employés de l'Orascom opérant sur le barrage hydroélectrique Jiji Mulemge rassurent mettre tout en ordre prochainement. Et des jeunes sont appelés à être des leaders communautaires et à consolider la paix dans leur voisinage, appel de Paskazi Sindingayo, représentante légale de l'association de Shirehamwe lors d'une formation à l'endroit de ces jeunes sur le leadership pour la consolidation de la paix et les valeurs psycho-humaines. C'était ce jeudi à Rumonge, une formation qui a duré 3 jours. Et les détails avec Jean-Pierre Misako. Il s'agit de 53 jeunes des zones Gatete, Muyama et Rusabagi des communes Rumonge, Bouyengero et Burambi de la province Rumonge qui ont suivi avec succès une formation en leadership, consolidation de la paix et valeurs psycho-humaines en début du mois de novembre 2022. Paskazi Sinzingayo, représentante légale de l'association Dushirehamwe, ayant assuré cette formation, est confiante que s'ils observent à la lettre le contenu de cette formation, ils pourront changer positivement la communauté. S'ils changent eux-mêmes en œuvrant pour leur développement intégral, absolument qu'ils vont changer aussi leur environnement social. Révérien Chimimana de la colline Murenge en zone Rusavagi, bénéficiaire de cette formation, indique quel sera son appui dans la résolution pacifique des conflits dans le voisinage. Il déclare que lui et les autres bénéficiaires de cette formation ont déjà créé une association d'autodéveloppement avec de petits capitaux, une association qui, selon lui, nécessite un appui financier. Léonard Niyonsaba, gouverneur de Rumonge, de son côté, dit que cette formation, surtout dans son volet leadership, intéresse à plus d'un titre la population de Rumonge, surtout dans ces derniers temps, et demande aux bénéficiaires de cette formation de se conformer à son contenu et d'en faire une large diffusion. Des jeunes de trois zones de la province Makamba ont également bénéficié de cette formation, selon l'association de Shirehamwe. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Permettez-moi de vous remercier, également Albert Ndouaï pour la parfaite collaboration. Vestine et Boutoui, j'étais à la présentation. Passez une bonne journée. Après, ce sera la revue de la presse. Octroi des exonérations, c'en est trop, s'exclame le journal Burundi Echo en une de sa parution cette semaine. Est-ce que réellement le pauvre contribuable savoure le fruit des exonérations? S'interroge son confrère. Les chiffres sur les exonérations incitent à des questionnements, lance-t-il. En témoigne par exemple l'exercice budgétaire 2021-2022. Les réalisations des exonérations sont de 190,6 milliards de francs burundais contre 18 milliards de francs bouts de prévision, soit un taux de réalisation de 1059%, un taux qui ne cesse d'augmenter depuis un bon bout de temps. Cet hebdomadaire socio-économique constate que la procédure d'octroi des exonérations, la manière dont elles sont gérées, les personnes exonérées, la somme modique remise dans la caisse fiscale, le suivi, etc., font couler beaucoup d'encre et de salive chez les experts, les autorités habilitées, voire le plus haut sommet. Pour son confrère, l'important est de travailler d'arrache-pied pour faire bénéficier ces exonérations à ceux qui les méritent. Dans le cas contraire, conclut l'éditorialiste de Burundi Echo, celles-ci demeureront un coup d'épée dans le dos du citoyen lambda et partant un non-sens. Légalisation de bénévolat et de vacatariat dans l'enseignement, rapporte la voix de l'enseignant. En effet, écrit ce journal, une circulaire du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique du 12 décembre 2022 fixe les conditions et procédures de recrutement des enseignants bénévoles et vacataires. Ce journal note quelques critères. La qualification, la nationalité burundaise, la résidence dans la commune constituent des conditions sine qua non pour être retenu comme bénévole ou vacataire. Et pour être sélectionné, la circulaire insiste sur l'ancienneté dans le chômage pour le bénévolat et dans la profession pour le vacatariat. Après le recrutement, le ministère de l'Éducation exige la signature d'un contrat entre le candidat retenu et le directeur communal de l'éducation. Les représentants syndicaux se disent satisfaits de cette mesure, qui est l'une des recommandations des commissions provinciales de recrutement édition 2022, signale cet hebdomadaire de l'éducation. Revue de la presse. Un jeune entrepreneur fabrique du pain et des beignets à base de la patate douce, rapporte l'agence burundaise de presse. Rubera Masango Amos, qui a installé sa boulangerie à Isangé au quartier Magarama de la commune Gitega, a déclaré à la BP qu'il a mis en place cette société de transformation agroalimentaire en 2020, avec un capital de plus de 8 millions de francs burundais, mais qu'il arrive actuellement en chiffre d'affaires d'environ 37 millions de francs burundais, dont la première tranche de financement de 20 millions de francs bou a été accordée par le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ et qu'il attend une seconde tranche de 20 millions de francs burundais également. Ce quotidien précise qu'avec cet appui, cette boulangerie fabriquant des beignets et du pain à base de la patate douce à chair orange a augmenté sa capacité de production journalière jusqu'à sa 80 000 pains et 48 000 beignets et qu'il a embauché 17 travailleurs, y compris deux conducteurs de vélo, qui acheminent les articles produits dans 5 points de vente situés à Bgoga, Kimanga, Songa et Karera 1. Fini l'immunité provisoire pour l'ancien Premier ministre burundais, écrit Net Presse, qui précise que l'ancien Premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni est de nouveau tombé sous les sanctions des États-Unis, lesquelles punitions avaient été levées en 2020 lorsqu'il a été propulsé au poste de Premier ministre du gouvernement de Gitega. Les États-Unis l'accusent d'implication présumée dans les violations graves des droits humains, écrit Net Presse. D'après ce quotidien en ligne, cette décision a été prise le 9 décembre dernier et annoncée par le département d'État. L'objectif est de promouvoir la responsabilité face à la corruption et à la violation des droits humains. Ceci veut dire que les concernés par cette mesure voient leurs biens aux États-Unis gelés et ils sont interdits d'accès au pays de l'oncle Sam, explique Net Presse. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.